quand t'es là en souriant, c'est sa façon à lui. Je ne pouvais plus rien lui dire, je ne savais plus à propos de qui ou de quoi j'étais venu. Un néon, un plafond. Il a baissé la musique et m'a oublié. Je suis intéressé, il faut m'écouter. Je sais très bien comment vous habiller, vous maquiller. Monsieur Business voulait que je vive d'un compte de fric. Je me suis tiré. Il pleuvait fort.